Patrick Pénaud, rendez-vous avec X, c'est une rediffusion. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. C'est notre Iran Gate, l'affaire Luchaire. Peut-être vous en souvenez-vous. Au tout début de l'année 1986, à quelques semaines des élections législatives qui vont amener la droite au pouvoir et Jacques Chirac à l'hôtel Matignon, le scandale éclate. Une entreprise française, la société Luchaire, a vendu des centaines de milliers d'obus à l'Iran, malgré l'embargo officiel et en utilisant des procédures d'exportation frauduleuse. Très vite, on évoque des compromissions au plus haut niveau. Et bientôt, on va même parler de pot de vin. Le président Mitterrand lui-même est mis en cause. Il ne pouvait pas ne pas savoir. C'est une affaire d'État, clament certains dirigeants de la droite revenus au pouvoir. Pourtant, curieusement, le nouveau gouvernement ne semble pas désireux de mettre de l'huile sur le feu. Et le ministre de la Défense garde même très longtemps dans ses tiroirs un rapport commandé un contrôleur général des armées. 1988, François Mitterrand est réélu. L'affaire Luchaire semble loin, très loin. Si loin même qu'un an plus tard, les principaux inculpés bénéficieront d'un non-lieu sans que l'opinion s'émeuve vraiment. Bref, c'est tout à fait comme si l'affaire Luchaire n'avait jamais existé. À plusieurs reprises, M. X m'a parlé des ventes d'armes et il m'a souvent démontré qu'il en connaissait les rouages et surtout les secrets. J'ai donc souhaité tout naturellement l'interroger sur cette Iran Gate à la française et ses dessous. Mais mon interlocuteur m'avait déjà donné une piste lorsqu'il avait évoqué l'assassinat de l'inspecteur général de l'armement, René Audran. Je vous propose d'abord de réécouter des extraits de cet enregistrement. Il y a les discours et puis il y a le réalisme. Et dans le cas qui nous occupe, le réalisme imposait de ne pas tout à fait couper les ponts avec l'Iran. Ce qui veut dire qu'il ne fallait pas forcément mettre tous nos œufs dans le même panier. D'accord, on aidait l'Irak en lui vendant des armes, en lui fournissant des avions parfois prélevés sur les stocks de l'armée de l'air, mais avait-on vraiment intérêt à ce que l'Irak écrase l'Iran? Et surtout, pouvait-on négliger le formidable marché iranien? Comprenez? Donc il était tentant de vendre des armes aux deux parties. Tout à fait. Et cette guerre horrible qui se prolongeait, c'était pain béni pour les marchands de canons. Seulement, il fallait être discret. Pour ne pas fâcher nos amis irakiens. Bien sûr. Et puis aussi pour ne pas avoir l'air de contredire la politique officielle de la France, qui était l'embargo et l'interdiction de toutes les livraisons d'armes à l'Iran. Donc on a livré clandestinement des armes à Roménie. Bien évidemment, rappelez-vous l'affaire Luchaire. Un peu plus loin, M. X me rappelle la genèse de l'affaire et il me parle également de René Audran. Écoutez. À la fin de l'année 84, les Égyptiens interceptent un cargo chypriote dans le canal de Suez. Ils le contrôlent et découvrent à son bord 30 000 obus fabriqués chez Luchaire et vraisemblablement destinés à l'Iran. Aussitôt, les services égyptiens alertent leur homologue français qui informe à leur tour le pouvoir. Mais à Paris, on choisit de faire le dos rond et on étouffe l'affaire. Seulement, il y a eu des fuites. De quel ordre? Sans doute du côté égyptien. Et au début janvier 1985, un journal grec pose crûment la question. La France livre-t-elle des armes à l'Iran? À Paris, c'est la panique. Si l'information est reprise par la presse française, le scandale va éclater. Et très vite, l'ingénieur général Audran prend les devants. Il savait donc, lui. Comment aurait-il pu ne pas savoir? C'est lui qui contrôlait toutes les ventes d'armes à l'étranger. Donc, je vous le disais, il prend les devants et interdit toute nouvelle livraison d'obus ou d'explosifs à l'Iran. 15 jours plus tard, il est assassiné. C'est clair, non? Il me faut quand même rappeler que c'est le mouvement Action Directe qui a assassiné Audran. Mais pour M. X, ce n'est nullement contradictoire. Il m'a affirmé lors de cet entretien que les militants d'Action Directe avaient en fait exécuté un contrat. Et à son avis, ça ne devait pas être trop difficile de persuader ces types d'assassiner un homme qui était le symbole vivant des ventes d'armes à l'étranger. Le chef des marchands de canons français, en somme, comme il m'a dit alors. Pourtant, en procédant à cet enregistrement consacré essentiellement à l'exécution de René Audran, j'ai eu l'impression que M. X ne m'avait révélé qu'une partie de la vérité à propos de l'affaire Luchaire. Dans un instant, donc, la diffusion de ce nouvel entretien. Terre. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Lorsque nous avons évoqué l'assassinat de René Audran, vous m'avez expliqué que les ventes clandestines d'obus à l'Iran répondaient d'abord à un certain réalisme politique. Oui, afin de donner des gages aux Iraniens alors que nous étions officiellement du côté irakien. Dans le conflit qui opposait alors les deux pays. Oui, un terrible conflit qui a dû faire au moins 1 million de morts. Ça, c'était une aubaine pour ceux qui vendaient des armes. Très juste. Et incontestablement, dans cette affaire Luchère, il y avait aussi des objectifs purement économiques. Le marché des armes est un marché impitoyable où la concurrence fait rage. Or, au début des années 80, ça devenait de plus en plus difficile pour les entreprises françaises. Pour quelle raison ? C'est facile à comprendre. Sur le marché international, il y a alors 3 pays qui comptent. Les deux géants. Les États-Unis et l'URSS, hein ? Oui, et qui ont chacun une clientèle captive. Et ensuite, on trouve la France. Loin devant la Grande-Bretagne, mais de nouveaux venus sont apparus. Par exemple ? Le Brésil, le Pakistan, Israël, la Chine et j'en passe. Des concurrents sérieux. Exactement. Et c'est d'autant plus préoccupant que quelques-uns de nos meilleurs clients sont alors sous embargo. C'est le cas de l'Afrique du Sud, d'Israël et bien sûr de l'Iran. Un embargo plus ou moins respecté. Vous avez raison, on va y revenir. Et puis il y a encore autre chose. D'autres très bons clients achètent moins ou n'achètent plus du tout. Qui ? Les pays arabes d'abord. Ils s'étaient jusque-là équipés massivement. Mais le prix du pétrole a baissé. D'autre part, l'Argentine, après la guerre des Malouines, n'a plus besoin de nouvelles armes. Et lui arrive même d'en vendre. Quant à l'Inde, elle n'achète plus. Même l'Irak, malgré sa guerre avec l'Iran, a réduit ses commandes et préfère désormais s'approvisionner en URSS. Et les pays africains ? Aucun intérêt, ils ne sont pas solvables. Bravo pour le cynisme. Ah, et les marchands d'armes ne sont pas des dames de charité. Je veux bien le croire. Bon, j'ajoute qu'il y a un autre élément à prendre en compte. Au début des années 80, la société Luchère est mal en point. Gravement ? Assez, oui. Ses comptes étaient en rouge. Et on parlait de compression de personnel. Ouais, c'est-à-dire de licenciement. Hein. On pourrait peut-être s'intéresser un instant à cette société-là. Volontiers. Mm-hmm. À l'époque, c'est une société quasi-familiale qui a des activités très diversifiées. Dans l'automobile, l'aéronautique ou encore les matériaux composites. Mais c'est surtout la seule société privée spécialisée dans la fabrication d'obus d'artillerie. Mmh, les autres sociétés étant publiques, c'est cela ? Exactement. Donc Luchère dépend étroitement des commandes de l'État. Or, ces commandes ont tendance à baisser dans ces années-là. Et donc, difficulté pour l'entreprise. Oui, c'est alors qu'on fait appel à un nouveau patron, Daniel De Vavrin. De Vavrin, là, comme le vrai patronyme du colonel Passy, le patron de nos services secrets pendant la guerre ? C'est son fils. Un type brillant. Polytechnicien et ancien ingénieur de l'armement. De Vavrin, lorsqu'il arrive chez Luchère, comprend tout de suite que l'avenir de l'entreprise, c'est l'exportation. Et pourtant, vous avez dit que les perspectives internationales n'étaient pas brillantes. Oui, mais De Vavrin ne voyait pas d'autre solution que d'exporter. D'exporter à tout prix. Voilà. Et c'est l'explication de l'affaire Luchère. C'est l'une des explications, oui. S'il y en aura encore une autre. Bien sûr. Je vous en parlerai tout à l'heure. Bon, ça y est, il va falloir encore que je patiente. Alors, bon, commençons par le début. C'est en 86 hein, que le scandale éclate. Oui. Vous vous souvenez, c'est le quotidien La Presse de la Manche qui a soulevé le lièvre en révélant que 3 cargos chargés de munitions ont quitté Cherbourg à destination du port iranien de Bandar Abbas. Mmh. Et immédiatement embarras du pouvoir. Et d'autant qu'on est en pleine campagne électorale. Et que l'affaire du Rainbow Warrior est encore dans tous les esprits. C'est juste. Le Premier ministre, Laurent Fabius, n'avait pas besoin de cette nouvelle tuile, si vous me passez l'expression. Parce qu'en plus, on va retrouver les mêmes noms. Charles Hernu, ministre de la Défense, quand le trafic a commencé, l'amiral Lacoste, patron de la DGSE, et bien sûr, François Mitterrand, président de la République. Et Fabius, si je me souviens bien, a porté plainte juste avant les élections. Oui, en fait, ce n'est pas lui, mais le ministre qui a succédé à Hernu, Paul Quilès, qui porte plainte, mais ça ne change pas grand-chose. Mmh. Donc, si je comprends bien, on refait le coup du Rainbow Warrior, là. Le gouvernement fait semblant de ne pas être au courant. Mais, tout à fait. Or, ces livraisons de munitions avaient commencé 3 ans plus tôt. Il était parfaitement inconcevable que les plus hautes autorités de l'État n'aient pas été au courant. Mmh. On peut avoir des fraudes, des compromissions. Non, parce que les ventes d'armements sont soumises à une réglementation relativement stricte. Expliquez. Eh bien, si une société reçoit une commande d'un pays étranger, elle doit d'abord obtenir de ce dernier un certificat de destination finale. Certificat assorti d'une clause de non-réexportation. Mais ce n'est pas tout. L'autorisation d'exporter doit être signée par le secrétaire général de la Défense nationale qui a préalablement recueilli l'avis d'une commission interministérielle spécialisée. Mais de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, des Affaires étrangères et des Douanes doivent aussi paraffer le document. Oui, ça fait effectivement beaucoup de monde. Et il est facile d'en tirer la conclusion. Quand d'importantes quantités de munitions ou d'équipements militaires sont exportées, elles ne peuvent l'être qu'avec l'assentiment du pouvoir, ou sur ordre du pouvoir. L'ancien patron de la DGSE, ex-SDEC, Pierre Marion, a consacré un livre, Le pouvoir sans visage, à ses affaires et à ce qu'il appelle le complexe militaro-industriel. Il écrit, je le cite, « Ces trafics ont été autorisés et se sont poursuivis pendant plusieurs années grâce à la connivence active ou passive de nombreux hauts fonctionnaires civils ou militaires. Ils se sont effectués en contravention formelle avec la politique étrangère de blocus adoptée par le gouvernement français et explicitement confirmée par des déclarations de François Mitterrand. » Plus loin, Pierre Marion affirme que cette affaire Luchère constitue une étonnante illustration des liens occultes et de la solidarité des hommes qui composent le complexe militaro-industriel. Un complexe qui fait vivre 3 600 000 Français, soit 6% de la population française, et mobilise 10% de l'effort national de recherche et de développement, presque exclusivement dans des technologies de pointe. Des chiffres, écrit-il, qui donnent une idée de la dimension du complexe et de son poids dans la société. Mais revenons à mon entretien avec M. X. Pour lui, le pouvoir politique savait, et peut-être même avait-il donné l'ordre d'exporter illégalement ses matériels de guerre. Un industriel responsable n'engage pas son entreprise au petit bonheur la chance, et en particulier dans le domaine de l'armement où il s'agit de sommes considérables. Donc, avant de s'engager, il prend des précautions. Mais quel genre de précautions? Eh bien, s'il est sur le point de signer un contrat avec un pays sous embargo, il prend tout naturellement contact avec les autorités. Mais avec qui exactement? Le ministère de la Défense. Il s'adresse au cabinet du ministre et demande une sorte de caution. Écrite? Non, bon non. La plupart du temps, ça se passe oralement. Et c'est seulement quand il a obtenu cet accord qu'il finalise le contrat avec son partenaire étranger. Mmh. Et à votre avis, ça s'est passé comme ça pour Luchère? Évidemment. Écoutez, les Iraniens avaient en particulier besoin d'obus de 203 mm. Or, les établissements Luchère n'en fabriquaient pas. S'ils voulaient en livrer à l'Iran, il fallait donc qu'ils mettent en place une nouvelle chaîne de montage adaptée à ce calibre. Ce qui veut dire, certainement, un gros investissement. Bien sûr. Et un dirigeant aussi avisé que De Vavrin n'aurait pas pris une telle décision sans avoir assuré ses arrières et surtout obtenu une autorisation de la délégation générale à l'armement. Car en France, on ne fabrique pas de munitions sans avoir obtenu, je vous l'ai déjà dit, une autorisation ministérielle. Mmh, sans doute. Mais ces obus de 203 mm, là, auraient pu être destinés à un autre pays? Non. Les quelques pays qui utilisaient encore ce calibre assez rare étaient tous fournis par les États-Unis et appartenaient au commandement intégré de l'OTAN. À l'exception de l'Iran, qui disposait de canons achetés du temps du Shah. Donc il était clair que ces munitions très spéciales étaient destinées à l'Iran? Absolument. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez plus tôt là, à propos des procédures d'exportation. Le document essentiel, c'est ce que vous avez appelé le certificat de destination finale. Oui. Ouais. Oui. Mais ce document se peut se truquer. Après tout, un pays peut fictivement se substituer à un autre sur ce document. Naturellement. Il existait d'ailleurs, et ça doit toujours être le cas, un véritable marché de ces certificats. Pour en obtenir un, il suffisait de payer. Et ça a été le cas dans l'affaire Luchère. Les munitions étaient en principe destinées au Portugal et à un pays d'Amérique du Sud ou d'Asie. Mais ces destinations de substitution ne pouvaient pas faire illusion, puisque les spécialistes savaient que seuls les Iraniens avaient besoin de ce calibre de 203. Donc au ministère de la Défense, on savait? Naturellement. C'est un secret de polichinelle. Je vais vous raconter comment ça s'est passé exactement. Le patron de Luchère, Daniel De Vavrin, je vous l'ai dit, doit absolument trouver des marchés à l'exportation pour sauver son entreprise. Or, l'un de ses collaborateurs, un Italien particulièrement introduit dans le commerce international des armes, obtient un tuyau de prix. Les Iraniens ont un besoin urgent d'obus, et il en parle à son patron. Et qui réagit comment? Autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui, De Vavrin n'est pas très enthousiaste. Ah oui, j'imagine que c'est à cause de l'embargo français sur les armes à destination de l'Iran. Évidemment. Mais il faut assurer l'avenir de son établissement, n'est-ce pas? Donc l'Italien lui a dit que le contrat pouvait approcher le milliard de francs. C'est énorme. Alors le PDG est tenté, mais il veut être couvert, et il fait appel à un homme qui est un proche du ministre de la Défense. Charles Hernu? Oui. Et là, à sa grande surprise, De Vavrin s'entend répondre d'accord pour ses exportations, mais surtout, rester discret. Ça veut dire feu vert, ça? Feu vert. Et immédiatement, la société Luchère entame des négociations avec les autorités iraniennes par le biais d'une société italienne et d'une société grecque. En toute sérénité? Oui, oui, puisque le feu vert a été délivré par le cabinet du ministre. Mais là encore, c'est un feu vert oral. Naturellement. Mais alors, comment réagissent tous ces hauts fonctionnaires qui, m'avez-vous dit, doivent contrôler et signer toutes ces autorisations d'exportation? Certains, j'en suis sûr, sont abusés par les fausses destinations qui figurent sur les documents. D'autres à l'évidence, ferment les yeux ou se taisent, parce qu'ils savent qu'en haut lieu, on autorise ces exportations. Parce qu'il n'y a pas que la société Luchère. Ah bon, qui encore? Une société nationale, la Société Nationale des Poudres et Explosifs, la SNPE. Et vous concevrez aisément qu'une entreprise dont l'État est le principal actionnaire ne peut pas se livrer à un tel commerce sans une autorisation du pouvoir politique. Seulement, il fallait trouver une combine. Ah oui, une combine, je vous écoute. Eh bien, les petits malins ont imaginé la création d'une association. Je ne me souviens plus du sigle exact de cette association. Mais je sais qu'il s'agissait de promouvoir l'échange d'informations sur les règles internationales en matière d'explosifs. Ouais, un leurre. Oui. Ouais. En fait, c'était un cartel de producteurs de poudre. Et la SNPE, là, donc Société Nationale, en faisait partie. À côté d'autres entreprises européennes, comme Nobel, par exemple. Et le véritable objectif de ce cartel, alors? Eh bien, la fourniture clandestine à l'Iran d'explosifs destinés à charger des obus. Je peux vous dire que des milliers de tonnes d'explosifs ont été livrées à l'Iran grâce à ce cartel. Et la SNPE, à elle seule, a assuré au moins un tiers de cette production. Mmh. Mais si cette association a servi à livrer clandestinement des explosifs à l'Iran, le gouvernement français a pu ignorer que la SNPE était impliquée dans ce trafic? Non. Et pourquoi en êtes-vous si certain? Bah écoutez, la SNPE était étroitement chapeautée par la délégation générale à l'armement. Et le patron de l'époque était un ingénieur de l'armement, et puis il y avait un responsable, qui s'appelait Maxime de Grossouvre. Le frère du conseiller de Mitterrand, François de Grossouvre, qui avait d'ailleurs l'œil sur les services secrets. Non, son cousin, l'affaire familiale. Mais frère ou cousin, vous imaginez que le pouvoir avait tout en main pour savoir exactement ce qui se passait à la SNPE. Donc il y avait une volonté politique derrière. Oui, il fallait donner des gages aux ayatollahs de Téhéran. Et c'est le vrai secret de l'affaire Luchère. Le journaliste Jacques Baslon a consacré un chapitre de son livre « La République de la fraude » au commerce des armes. À propos des certificats de destination finale, « End User Certificate » en anglais, il écrit que c'est un document qui peut se vendre un bon prix. Ce certificat mentionne le pays destinataire qui, théoriquement, n'a pas le droit de revendre la marchandise. En fait, affirme Baslon, le pays vendeur n'a plus aucune possibilité de vérifier la véritable destination des armes une fois qu'elles ont passé ses frontières. Reste à savoir d'ailleurs s'il a vraiment envie de le savoir. Et le journaliste de citer le cas du prince-colonel Sisowat Metawi, attaché militaire à l'ambassade du Cambodge, qui a signé beaucoup de certificats de destination finale sans qu'aucun militaire français ne se soit posé la question de la véritable destination du matériel. On savait trop bien, écrit Baslon, que le prince-colonel demandait une prime plutôt modeste de quelques dizaines de milliers de dollars en échange du document. Quand vous dites qu'il fallait donner des gages aux ayatollahs... Je vais vous expliquer. Mais auparavant, je voudrais vous donner la preuve de la duplicité des autorités françaises dans cette affaire. Duplicité qui n'est d'ailleurs pas seulement le fait des socialistes. Parce qu'il est à peu près certain que les livraisons ont continué sous la première cohabitation. Puis comment expliquer que la droite revenue au pouvoir ait tant tardé à révéler la vérité? Enfin, une partie de la vérité. Oui, j'attends vos preuves, alors. Dès le début de l'année 1984, l'ADPSD s'interroge. Qu'est-ce que c'est que ça, l'ADPSD? C'est l'ancienne sécurité militaire débaptisée par les socialistes en 1981. Et l'ADPSD s'interroge pour quelle raison? Les responsables adressent une note à leur ministre en mettant en doute la destination finale des obus exportés par Luchère. Et donc, ils ne sont donc pas dupes? Non. Et ils demandent qu'une enquête soit effectuée. Et chez Ernu, on réagit? Pas du tout. Un mois plus tard, c'est l'amiral Lacoste, le patron de la DGSE. Les services de renseignement, oui. Ouais. Il avertit le cabinet d'Ernu que les fournitures de munitions de Luchère sont en réalité destinées à l'Iran. Mmh. Et réaction, là encore? Un des collaborateurs les plus proches du ministre lui répond étrangement, pas vu, pas pris. Ah, l'amiral comprend donc que l'affaire est connue et approuvée par le pouvoir. Oui, mais ça n'empêche pas d'informer personnellement le président de la République. Parce qu'il pense que Mitterrand, lui, n'est pas au courant. Sans doute. Peut-être imagine-t-il que le ministère de la Défense agit en cachette de l'Élysée. Ouais. Pourtant, la Constitution fait du président le chef des armées. Oui, et nul n'ignore que les rapports entre le président et son ministre de la Défense sont anciens et très étroits. Ouais. Donc, oui, vous pensez qu'Ernu ne peut rien dissimuler à Mitterrand, mais... Quand Lacoste informe le président, que dit celui-ci, d'après ce qu'on peut savoir, Il lui répond, parlez-en donc à Ernu. Ouais, en tournant. Vous avez raison. Et pendant ce temps-là, les livraisons d'obus continuent. J'ajoute que d'autres hauts responsables de la défense ou de la délégation générale à l'armement se sont posés des questions. Mais à chaque fois, on leur a fait comprendre qu'il leur fallait regarder ailleurs. Et le seul qui s'entête à contester ces livraisons de munitions finit, comme vous le savez. Mais un redéodorant. Oui, abattu. je vous rappelle, par des militants d'Action Directe qui ont vraisemblablement exécuté un contrat pour le compte des services secrets iraniens. Et c'est après cet assassinat que la presse révèle l'affaire Luchère. Oui, les premiers sur le coup, ça ne vous surprendra pas, sont des journalistes du Canard Enchaîné. Mais le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, qui a été aussi à l'occasion l'avocat du journal, l'apprend. Et il intervient auprès du Canard Enchaîné. Pour faire renoncer le journal à publier ces informations? Oui. Pourtant, on dit que les journalistes du Canard détestent ce genre d'intervention. C'est juste, mais le ministre a des arguments. Il dit, si vous publiez ces informations sur Luchère, vous risquez de mettre en péril les négociations qui sont en cours à propos de la libération de nos otages au Liban. Les journalistes du Canard le croient? Oui. Et ils renoncent à publier leurs révélations sur Luchère. À votre avis, y avait-il quelque chose de vrai dans le plaidoyer de Roland Dumas? C'était effectivement une petite partie de la vérité. Pourquoi seulement une partie? Parce que les négociations étaient effectivement engagées avec les Iraniens et leurs représentants au Liban, les hommes du Hezbollah, et qu'il n'était donc pas question de mécontenter Téhéran. Mais l'enjeu était plus important encore, beaucoup plus important. En tout cas, si les journalistes du Canard ont décidé de sursoir à cette publication, d'autres journaux ont révélé le poteau rose. D'abord, le quotidien de Paris. Puis la presse de la Manche qui a publié des documents accablants. Ouais, prouvant l'existence du trafic. Sans nul doute. Le pouvoir est alors sacrément embarrassé et le ministre de la Défense, Paul Quillès, comme je vous l'ai dit plus haut, est pratiquement obligé de porter plainte. Il porte plainte contre qui? La société Luchère. 8 ou 15 jours plus tard, la majorité change. Le nouveau ministre demande à un contrôleur général des armées, M. Barba, d'entreprendre une enquête sur cette affaire. Et celui-ci entend tous les protagonistes. Qu'a commencé par De Vavrin. Évidemment. Mmh. Mais des membres du cabinet de Charles Hernu sont aussi entendus. Et assez vite, Jean-François Barba se fait une idée assez claire du dossier. De Vavrin lui répond avec beaucoup de franchise. Fort des assurances qu'il a reçues du ministère de la Défense, pourquoi mentirait-il? Oui, c'est juste. Donc quand même, la vérité se fait petit à petit jour. En tout cas, le contrôleur général des armées, en seulement 15 jours d'enquête, acquiert la conviction que des livraisons de munitions ont été effectuées avec la bénédiction des plus hautes autorités de l'État. Et il soupçonne aussi que certaines des commissions payées à l'occasion, comme dans tout marché d'armes, ont peut-être été versées au Parti Socialiste. C'est vrai, d'après vous? Rien ne pourrait être prouvé, mais passons. Ce qui est intéressant, c'est que ce dossier classé secret défense est remis au ministre. Et qu'il va y dormir de très longs mois dans son bureau. Et pourtant, il y a quand même cette plainte qui a été déposée. Exact. Mais manifestement, le nouveau pouvoir ne tient pas, lui non plus, à ce que la vérité devienne publique. Pour les mêmes raisons que le pouvoir précédent. Alors, ces raisons? Bon, il y a un petit peu de patience encore. En novembre 1987, après une fuite dans la presse, le ministre lève le secret défense et fait passer le rapport Barba au juge d'instruction chargé de l'affaire. De Vavrin, un membre du cabinet d'Hernu et 2 autres personnes sont inculpées. La machine judiciaire semble enfin en marche. C'est une illusion. Et pourquoi? Parce que le ministère de la Défense, qui est pourtant le plaignant dans cette affaire, ne semble nullement désireux de collaborer avec le juge et se débrouille pour ne pas lui fournir des documents essentiels. Même les douanes se refusent à considérer que ces exportations étaient illégales. Ce qui, vous en conviendrez, est quand même fard de café. Et en conséquence, le magistrat à bout de ressources finira par prononcer un non-lieu en faveur des inculpés. L'étouffoir. Un étouffoir qui ne provoquera d'ailleurs pas beaucoup de levée de bouclier chez les partis de droite revenus dans l'opposition. Mais si vous semblez penser là qu'il y avait une sorte de consensus entre la gauche et la droite. Hein? Oui, parce qu'il s'agissait d'une affaire d'État. Ah, vous y voilà quand même. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de la mort de Michel Barouin? Oui, le PDG de la FNAC était opposé à la livraison d'uranium enrichi à l'Iran dans le cadre du contrat Eurodif. Oui, et il savait beaucoup de choses sur l'uranium gabonais. L'Iran, à cause de cet uranium, promis et jamais livré, exerçait un véritable chantage sur la France. Je vous avais dit à l'époque qu'il fallait expliquer de cette façon les nombreux attentats qui ont secoué la France en 1982 et qui, notez-le bien, vont à nouveau ensanglanter Paris en 1986. 86, l'année où éclate le scandale Luchère. Et je vous assure que ce n'est pas une coïncidence. Mais le rapport entre l'uranium et l'affaire Luchère? Paris cherchait par tous les moyens à ne pas fournir d'uranium enrichi à l'Iran. Et pour empêcher les ayatollahs de construire la bombe. Oui. Mais après la vague d'attentats de 82, les autorités françaises ont été obligées de négocier avec les Iraniens. Et elles ont dit, on ne peut pas vous livrer de l'uranium, mais on pourrait vous approvisionner en obus. Or, dans la gigantesque bataille d'artillerie engagée entre l'Irak et l'Iran, il fallait aux deux belligérants des milliers et des centaines de milliers d'obus. Alors d'après vous, c'est ainsi que le marché a été conclu et qu'on a autorisé Luchère à fournir illégalement de l'armement à l'Iran. Luchère, mais aussi la SNPE. Oui, et pour préserver les apparences, on a monté un petit scénario afin que l'initiative semble venir des Iraniens. Il était quand même difficile au pouvoir d'ordonner à Lucher de livrer des obus aux ayatollahs. Je n'ai trouvé dans aucun document, aucun livre, une explication qui collerait avec la thèse de M. X. Aussi me contenterai-je de citer quelques lignes d'un communiqué de Pierre Bézard, le procureur de la République qui a requis le non-lieu dans l'affaire Lucher. La position de la Direction générale des douanes, qui m'a fait connaître que ses services n'avaient pas relevé, en consultant le dossier, d'infraction douanière, et le silence gardé par le ministère de la Défense à ma demande concernant la position qu'il voudrait prendre dans cette affaire, ont confirmé que l'information judiciaire ne pouvait pas utilement prospérer. On sent, sous ces quelques lignes, la déception du magistrat qui s'est sans doute, selon M. X, heurté à la raison d'État. Tout à fait autre chose. J'ai reçu une lettre passionnante d'un auditeur et lecteur des mémoires de M. X, Maurice Germont, tel est son nom, est agacé, comme moi, vous, peut-être, par cet anonymat derrière lequel se réfugie M. X. Et il écrit qu'il a absolument besoin d'identifier mon interlocuteur afin de se déterminer sur la crédibilité de ses propos. Comme il sait que je suis dans l'impossibilité de révéler quoi que ce soit, il a fait ses propres déductions et il croit avoir trouvé. Monsieur X serait le colonel Payol, un des as de nos services de renseignement. Adjoint au chef du contre-espionnage au moment de l'armistice, Payol a ensuite exercé les mêmes fonctions à Alger. Et il a été président de l'amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale, ce qui permettrait d'expliquer pourquoi M. X a eu une parfaite connaissance des affaires, comme l'écrit mon correspondant. La démonstration est assez convaincante, mais vous comprendrez que je ne peux ni la confirmer, ni l'affirmer. En tout cas, j'espère vous retrouver, vous et M. Germont, samedi prochain sur France Inter.